David JPM avec nous pour un live avec Pierre. Donc David et Pierre, bonjour à vous. Bonjour à toi. Salut. Pierre qu'on a entendu tout à l'heure, mais dans un autre registre. Voilà. Effectivement. Parce que Pierre, il est multicasquette, il fait des émissions à Fadjet. C'est beaucoup de choses. Oui. Il fait des interviews, il fait de la musique aussi. Aujourd'hui, bah voilà, il nous fait le plaisir de venir faire un petit peu de musique. Petite présentation, là vous êtes en formation réduite aujourd'hui. Formation très réduite, oui. Alors, j'ai eu plusieurs modifications de la formation depuis le début. Au début, on avait un violoniste, un caroniste. Le violoniste est parti. On a récupéré notre ami Pierre, voilà, qui joue également dans Grand Large, qui joue dans des petites formations à côté. Excellent clarinettiste, saxophoniste, flûtiste, tout ce qui peut être en ist, en fait. Ouais. Et puis, un artiste, quoi. Un artiste en ist, ça marche aussi très bien. Et on a aussi donc, le petit David qui était au caron, maintenant c'est Clyde, qui est à la percussion aussi, qui travaille aujourd'hui. Donc, voilà. Et Brideau, donc Antoine Bridet, qui fait partie du groupe aussi avec Antoine Achelté, où il y a Pierre dedans également, et qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il travaille. Mais on pense bien à eux, en tout cas, dans la formation David JPM. En tout cas, sur d'autres concerts, dans d'autres configurations, on peut vous retrouver en plus grand nombre, tout à fait. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous allez nous proposer donc un duo guitare-voix, flûte-voix. C'est ça. Exactement. Donc on a décidé de partir sur vraiment des compos à moi et aussi beaucoup de reprises de chanteurs que j'aime énormément. Et bah très bien. Voilà. Je pense qu'on a assez parlé. Place à la musique, c'est la fête de la musique. Ça marche. Exactement. C'est à vous une demi-heure de live sur Fadjet, 94.2 FM sur fadjet.net également en direct. Et puis on vous le rappelle, si vous êtes dans le coin, au centre-ville, 47 rue Charles III à Nancy, vous pouvez nous rejoindre et assister au concert en live. Place au live. Alors je profite juste pour dire qu'il y a plusieurs chansons que vous connaissez, vous pouvez les chanter avec nous. Il y en a qui ont des téléphones, ils peuvent les sortir s'ils ne connaissent pas les paroles. Voilà. C'est bon, Pierrot ? 1, 2... Si j'avais ça, je serais ceci, je serais cela. Sans chose, je n'existe pas. Les regards glissent sur moi. J'aurais ce que les autres ont. Je crève de ce que je n'ai pas. Le bonheur, les possessions, les supermarchés, mes temples à moi. Dans mes uniformes, rien que des marques identifiées, les choses me donnent une identité. Je prie les choses et les choses m'ont pris. Elles me poussent, elles me donnent un prix. Je prie les choses, elles comblent ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai donc je suis. Des choses à mettre, à vendre, à soumettre. Une femme objet qui présente bien. Sans trône ni sceptre, je me déteste. Roi nu, je ne vaux rien. J'ai le parfum de Jordan. Je suis un peu lui dans ses chaussures. J'achète pour être, je suis quelqu'un dans cette voiture. Une vie de flash en flash. Et pique, clopé, clopé, fast food. Fastage, pills ou calme en néfaste. Tout en zap, le vide et l'angoisse. Plus de bien, de mal. Et est-ce que ça passe à la télé? Nobel ou scandale, on dit VIP. Je prie les choses et les choses m'ont pris. Elles me posent, elles me donnent un prix. Je prie les choses, elles comblent ma vie. C'est plus je pense, mais j'ai donc je suis. Des choses à mettre, à vendre, à soumettre. Une femme objet qui présente bien. Sans trône ni sceptre, je me déteste. Roi nu, je ne vaux rien. J'ai pris les choses et les choses m'ont pris. Elle me pose, elle me donne un prix. J'ai pris les choses, elle comble ma vie. C'est plus je pense, mais c'est donc je suis. Un tatouage, un piercing, un bijou. Je veux l'image, c'est tout. Le beau langage et les idées qu'il faut. C'est tout ce que je vaux. Merci à vous. Donc, si vous ne l'aviez pas compris, j'adore Jean-Jacques Goldman. Hein, c'est... Okay. Donc, pour ne pas trop vous perdre, on a décidé de faire une reprise, une compo, une reprise. Donc, c'est une compo. Elle se prénomme Encore une fois. Aujourd'hui, tu veux prendre le chemin de ta vie pour trouver la vérité, te donner une chance d'exister. Si toi, dans l'histoire, tu veux pas retrouver cette page noire, figer cet instant, garder ce moment encore une fois, tous les deux. Apprendre à être heureux, à se redonner goût au bonheur, au miracle de si toi, dès ce soir, tu veux briser ces idées noires, trouver le soutien, pouvoir créer un lendemain. Si toi, maintenant, tu veux commencer à vivre au présent, ne plus regarder en arrière, le temps que tu perds encore une fois, tous les trois, c'est mieux se donner le droit, pouvoir faire face aux difficultés. Et se relever. Dans ton cœur, pouvoir sécher tes pleurs, faire jaillir cet espoir et fuir ce cauchemar. Encore une fois, tous les deux, apprendre à être heureux. Sera des mégots au bonheur, au miracle, encore une fois, tous les trois, s'aimer se donner le droit, pouvoir faire face aux difficultés et se relever.

au tout premier pas touché, à bout de bras, retour à l'essentiel, chose conceptuelle, oublier l'irréel, s'aimer comme on s'aime. Quand dans la vie tout sépare, que le temps vous a mis à l'écart, pour les oublier du passé, voir encore se relever. Et je cours, je me souviens de tout ce qui faisait nous. Retour à l'essentiel, aux choses naturelles, au tout premier pas touché, à bout de bras. Retour à l'essentiel, aux choses conceptuelles, oublier l'irréel, s'aimer comme on s'aime. Quand la vie tout surprend, que se perdent nos sentiments, les oubliés du passé, être prêt à tout recommencer. Et je cours, je me souviens de tout ce qui faisait nous. Tout à l'essentiel, aux choses naturelles, au tout premier pas touché, à bout de bras, retour à l'essentiel, aux choses conceptuelles, oublier l'irréel, s'aimer comme on s'aime. L'avenir est incertain, créons ensemble un monde pour demain. Retour à l'essentiel, aux choses naturelles, au tout premier pas touché, à bout de bras. Retour à l'essentiel, chose conceptuelle, oublier l'irréel, s'aimer comme on s'aime, comme on s'aime. Comme on s'aime. Alors pour cette prochaine chanson, c'est très important pour moi également. C'est une spéciale dédicace à mon groupe de rock celtique. On a voulu faire plaisir à Pierre et à Grand Large. Ouais, voilà. Donc on va partir en voyage avec un beau bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santillano, 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la barre et tiens bon le vent. Iseo, Iseo, Santillano. Si Dieu veut, toujours droit devant, nous irons jusqu'à Fadjet, la fête de la musique. Je pars pour de longs mois en laissant Margot. Iseo, Iseo, Santillano. Ah ouais. Ouais. Je pars pour la barre et tiens bon le vent. Iseo, Santillano, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. À toi. On prétend que là-bas l'argent coule à flot. Iseo, Iseo, Santillano. On trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la barre et tiens bon le vent. Iseo, Iseo, Santillano. Si Dieu veut, toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai charger le cadeau. Iseo, Santillano. Au pays, j'irai voir Margot. À son doigt, je passerai l'anneau. Tiens bon le cap et tiens bon le flot. Iseo, Santillano. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. Tiens bon le cap et tiens bon le flot. Iseo, Iseo, Santillano. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. Alors vous êtes bien gentils. La prochaine chanson, c'est une compo, elle s'appelle « Je ferme les yeux ». Même si je n'ai pas cru toute la peine d'un amour disparu, ou même si je n'ai pas envie de me cacher les jours de pluie, j'oublie tous ces amours, j'oublie tous ces détours qui m'ont fait reculer, m'empêchant d'avancer. Alors j'oublie ces amours, j'oublie tous ces détours qui m'ont fait reculer, empêchant d'avancer. Je ferme les yeux, j'oublie les malheureux, je ferme les yeux, j'oublie qu'on était deux. Je ferme les yeux, j'oublie les malheureux, je ferme les yeux, j'oublie qu'on était deux. Même si je ne crois pas à tous les mots que tu racontes sur moi, ou même si dans une vie future le bonheur n'est pas qu'un murmure, j'oublie tous ces amours, j'oublie tous ces détours qui ont tous essayé de m'emprisonner. Alors j'oublie ces amours, j'oublie tous ces détours qui ont tous essayé de m'emprisonner. Je ferme les yeux, j'oublie les malheureux, je ferme les yeux, j'oublie qu'on était deux. Je ferme les yeux, il est malheureux. Ferme les yeux, j'oublie qu'on était deux. Mais quand je pense à toi, mon cœur est ravivé. Une étincelle prie en moi, elle ne se consumera jamais. Je ferme les yeux, je dis qu'on est plus malheureux. Je ferme les yeux, je pense encore à nous deux. Ferme les yeux, dis qu'on était malheureux. Ferme les yeux, je pense que on est deux. Ferme les yeux, dis qu'on était malheureux. Ferme les yeux, dis qu'on était deux. Ferme les yeux. Ferme les yeux, j'oublie qu'on était malheureux. Je ferme les yeux, je pense encore à nous deux. Je ferme les yeux, j'oublie qu'on était malheureux. Je ferme les yeux, je pense encore à nous deux. Je pense qu'on va arriver à bientôt, merci, je regarde en même temps l'heure. Encore une ? Deux ? On en avait encore deux. Deux, c'est bon ? Allez, deux. Vous la connaissez, celle-là, hein ? Je vous demanderai un peu d'indulgence pour cette prochaine chanson, puisqu'elle relève d'une difficulté à la flûte qui est assez certaine. Et si je me trompe, eh bien, je pourrais dire qu'on n'y peut rien. Heureusement que j'aime bien, hein, parce que les blagues... Hein. Tu cherches à la croiser, t'as 15 ans soudain, tout change de base. il s'invite quand on l'attend pas. Quand on y croit, il s'enfuit déjà. Frère qui un jour y goûta, jamais plus tu ne guériras. Il nous laisse vide, plus mort que vivant. C'est lui qui décide, on ne fait que semblant. Il choisit ses tours et ses va et ses vient. Ainsi fait l'amour et on n'y peut rien. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette demi-heure qu'on a passée avec vous. Donc vous pouvez me retrouver, hein, David JPM, surtout. Il y a un album qui est sorti, qui date un petit peu maintenant, bien un EP sûr. De 6 titres qui s'appelle Authentique, qui est disponible sur les plateformes iTunes, avec, j'ai oublié maintenant, Deezer, Spotify. Ouais. Voilà. Tinder, Le Bon Coin. Vinted aussi. Qu'est-ce que... Non, moi, je vais vous laisser, puisqu'il va interpréter cette chanson toute seule. Ah, t'étais contre... pas avec moi ? Non, je ne suis pas avec toi sur celle-là. Alors, toute okay. seule, tout seul, pardon. Toute seule ? Tout seul, du haut de ces 2m06. Rattrape-toi. Par contre, pour ceux qui comptent rester, je vous invite à rester, on revient à 19h. De 19h à 20h, ouais, on ouvrira la scène. Hein. Ouais. On fera quelques musiques entre nous. Voilà. Et puis ceux qui veulent venir chanter pourront prendre le micro et tout. On quatre musiques entre nous. En mode jam entre nous, à Fadjet, dans les locaux, ça sera sympa. Elle est un peu comme ça, elle passe partout, elle est celle qui vous met à genoux. Elle est comme un coup de pied dans un mur. Elle est le silence derrière tes murmures. Et pourtant, elle est cachée au fond de toi. Elle sait si bien te chuchoter tout bas. Et pourtant, tu la connais mieux que tu ne crois. Elle est celle que l'on n'attend pas. Elle est la part de toi qui sommeille. Elle est le frisson dans ton réveil. Elle est un peu de toi, un peu de nous. Elle est celle qui nous fait tenir le coup. Et pourtant, elle est cachée au fond de toi. Elle sait si bien te chuchoter tout bas. Et pourtant, tu la connais mieux que tu ne crois. Elle est celle que l'on n'attend pas. Elle est le début et la fin. Elle attend que tu viennes lui prendre la main. Elle est le tout et le rien. Elle chante avec nous ce refrain. Et pourtant, elle est cachée au fond de toi. C'est si bien te chuchoter tout bas. Et pourtant, tu la connais mieux que tu ne crois. Elle est celle que l'on n'attend pas.